pratique-moi, tu verras. Tu veux du mal, tu le paieras. Je pète un plan, je suis en serrage. Je tue tout le monde, je crois que c'est l'âge. Je mets en mode avion mon téléphone. Je sors même plus, je vois plus mes fans. Toi-même, tu sais, mon glace résonne. Je suis comme une rose que ton passé un jour je fan. Je me rappelle, on était tarpins. À fumer sur le pétard. Au tech, on se faisait des câlins. Un peu plus tard, on se sépare. J'ai tourné avec ma moto, visière fumée pour éviter les photos. Qu'est-ce qui t'arrive, on s'est mis mon poteau. Maintenant tu me juges sur ma couleur de peau. 360 chevaux sous le capot. Dans ma ville les petits années jouent les capots. Je suis dans ma piscine, je m'envoie des saltos. Je travaille les pecs, j'ai plus trop les abdos. Je me promène, malgré les problèmes. Je vois trop de haine, c'est pas ma faute si trop même. Je me promène, malgré les problèmes. Je vois trop de haine, c'est pas ma faute si trop même. Je te blesse, I'm sorry, pour avoir du vice comme dans Secret Story. J'ai rien à faire à ce qui paraît sur moi, tu fais de Secret Story. Tout le monde parle sur tout le monde fait des poussettes, ça devient horrible. Tu veux me tester, mais je crois bien qu'on n'est pas de la même catégorie. Marseille, c'est chaud, gros, faut zoner avec un gilet pare-balles. Je viens loin, mon gros, à dire que je fais danser toute l'Europe. Je pense à tout, je fais plus d'efforts. Je frappe au sac et je reprends des forces. Gauche, droite, pied, gauche, ouais, je décoche. Ça me bloque, ouais, faut que je me défauche. Je mets le pare-soleil sur le côté. J'ai pas encore mis les vitesses. Je vois plus de gens que j'ai aidés. Revenez pas si je finis blindé. Et mon anniv, je l'ai même pas fêté. Après 2-3 verres, j'étais trop pété. Si un jour on me lève le rap, je prends mes potes et on va péter. Je suis trop fort de caractère. Toi t'aimerais me voir à terre. Qu'est-ce que t'as poteau, j'ai pas que ça à faire. M'impliquer dans de sales affaires. S'ils m'en veulent, je la rambe pas. Je reste fier, les flics, je les arrose pas. Je suis le même, ne déconne pas. Sur ma vie que vous savez pas. Chaussettes, claquettes. En temtem sur l'autoroute A7. Virage, je le mets par terre. Je le lève, je sais toucher la bavette. Je me promène, malgré les problèmes. Je vois trop de haine, c'est pas ma faute si trop même. Je me promène, malgré les problèmes. Je vois trop de haine, c'est pas ma faute si trop même. Je te blesse, I'm sorry, faut avoir du vice comme dans Secret Story. J'ai rien à faire à ce qui paraît sur moi, tu fais de Secret Story. Tout le monde parle sur tout le monde fait des poussettes, ça devient horrible. Tu veux me tester, mais je crois bien qu'on n'est pas de la même catégorie. Je me promène, malgré les problèmes. Je vois trop de haine, c'est pas ma faute si trop même. Je me promène, malgré les problèmes. Je vois trop de haine, c'est pas ma faute si trop même. Je te blesse, I'm sorry, faut avoir du vice comme dans Secret Story. J'ai rien à faire à ce qui paraît sur moi, tu fais de Secret Story. Tout le monde parle sur tout le monde fait des poussettes, ça devient horrible. Tu veux me tester, mais je crois bien qu'on n'est pas de la même catégorie.